trop dur ces trucs. C'est quoi ce truc de fou? Oui, je les ai pas entendus les fausses notes. Il a fait des fausses notes. Le problème, c'est qu'à la vitesse où il les joue, on les entend même pas. Tu l'as entendu la fausse note? Ah, c'est Guitar Hero. Thank you.